déjà cette séparation. Alors vous n'êtes plus le lourd de la nuit. Notre amour était aussi près. La tendresse de l'union disparut. Si ce sont trois tout ce temps, je ne laisserai pas passer ces deux choses. Oublier à jamais les mauvais souvenirs. Laisse-moi te saisir ce soir. Ah, tout moi sous trois. Laisse-moi y croire. Passer la nuit avec toi. Laissez-moi y croire, passer la nuit.